cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Faudrait que je copie les paroles aussi. J'arrive pas à lire.